Chapitre 17. Nise Craig ne s'était pas empressé de rentrer à la forteresse avec les ordres fraîchement donnés par la source. Il n'était pas pressé de retrouver Irgosh qui allait encore lui crier dessus et le railler. Il rêvait d'être affecté dans un autre secteur et de servir un autre commandant, qui lui témoignerait un tout petit peu de considération. Les témoignages d'autres Aldorions, récoltés au repère de la source, lui avaient assuré qu'Irgosh était le pire des commandants. Au milieu des arbres, il avançait tranquillement avec son scooter, quand ses narines détectèrent une odeur de brûlé qui l'interpella. Puis, en franchissant la clairière, il vit une espèce de fumée noire qui envahissait le ciel devant lui. Il y avait le feu à la forteresse. Nise Craig accéléra pour atteindre les lieux au plus vite et freina aussi fort que les petites pinces qui lui servaient de main, le pur, quand il arriva à destination. Il freina si fort qu'il frôla l'éjection. Ce n'était pas un simple incendie, c'était un cataclysme. Se croyant exposé à un danger immédiat, il roula dans les hautes herbes, à l'orée de la forêt, pour analyser la situation. Des corps disloqués de mercenaires gisaient sur le sol de tous côtés, et des membres et autres morceaux de chair avaient pris congé de leurs propriétaires. La façade de la forteresse était éventrée, la roche était effondrée, une bonne partie des hangars s'était écroulée, la porte n'était plus qu'un trou béant. Des éboulements de pierre continuaient de se produire. Les fissures dans la roche causées par les impacts, qui devaient être responsables de tout cela, continuaient de s'étirer de plus en plus haut dans le mont rocheux. Nul doute que l'attaque était récente. Il avait bien fait de ne pas retrouver son commandant à toute vitesse. Il compterait parmi les victimes du massacre. Nise Craig n'était pas prêt de risquer un pas au milieu de ce champ de bataille. Non formé à agir en cas d'une attaque, il resta prostré près de 2 heures à regarder la fumée se dissiper et les éboulements cesser. 2 heures où il dut réfléchir intensément à ce qu'il était attendu de lui. Un bruit sur sa gauche lui fit tourner la tête et il vit un animal renifler son véhicule. Voyant l'engin, il pensa au rapport fait à la source. Si Irgosh avait été là, il lui aurait sans doute ordonné d'aller informer la source des événements. Mais que dire à la source, puisqu'il n'avait été témoin de rien? Peut-être Irgosh allait-il finir par arriver. Il attendit encore, et en sentant s'approcher le crépuscule, il comprit que ce commandant ne viendrait pas passer la nuit à la forteresse. Il enfourcha de nouveau son scooter, et fit route en sens inverse, le pied pressant l'accélérateur à son maximum. Il voulait être rendu avant qu'il ne fît noir, il avait peur de la nuit et de ses bruits. Cette fois, il contourna le camp d'esclaves qu'il avait l'habitude de traverser à grande vitesse. Et alors que les deux lunes étaient levées, il eut en vue l'enceinte de pierre qu'il avait quittée en début d'après-midi. La garde robotique postée au portail identifia l'engin et jugea anormal de le revoir si tôt. Les robots se mirent en place pour stopper le bolide, dans son élan. Mais Nise Craig, habitué à passer sans contrôle, ne tint pas compte de leur attitude. N'observant aucun ralentissement, la garde prit ce retour impromptu pour une attaque. Il ouvrit le feu, alors que Nise Craig n'était plus qu'à une trentaine de mètres. Le tir, parfaitement calculé, frappa l'engin au point stratégique, ce qui le fit culbuter, projetant l'Aldorion dans les airs, et il vint s'écraser non loin du pont-levis. La carcasse du scooter termina sa course dans les douves. La garde vint s'assurer que la menace était bien hors d'état de nuire, en donnant un léger coup dans Nise Craig, qui émettait un son proche d'une cornemuse se vidant de son air. Jamais il n'avait imaginé qu'un seul élément du repère de la source pût lui être nocif. Cette garde, à l'aspect menaçant, ne l'avait jamais impressionné. Une voix familière résonna autour de l'entrée, et Nise Craig identifia celle de son maître vénéré. « Ô source, c'est Nise Craig, ô source !»« Je le vois bien, que s'est-il passé? Pourquoi ne t'es-tu pas arrêté ?»« Ô source, arrêté? Ô source, quand? Ô source ?» La garde a fait barrage, tu as foncé dedans. Ô source, un barrage? M'arrêter? Ô source! La source savait que les Aldorians n'étaient pas les êtres les plus intelligents de la galaxie. Leur petit QI était évidemment un atout indéniable pour garantir des serviteurs dociles. Mais celui-ci paraissait battre des records. Il parcourut son historique et nota un formatage d'Adam d'il y avait 13 années, Nikéenne. Formatage était un terme technique pour qualifier une remise à niveau sévère d'un élément défectueux. L'inconvénient était que l'animal en ressortait avec des capacités cognitives amoindries. La source préféra donc passer l'interrogatoire sur la tentative de passage forcé et enchaîna sur les raisons de son retour si soudain. « Allons, montre-me voir. »« Aux sources, oui, aux sources. » Le même exercice que plus tôt dans la journée fut reproduit. Nisocreg trottina de son pas dodelinant avec sa tête hochant d'avant en arrière à chaque bond qu'il devait faire pour gravir les marches du colimaçon. La douleur en moins, sa cheville foulée s'était en remise. Il franchit une nouvelle fois les lourdes portes, avec bien du mal, et pénétra ensuite dans la gigantesque salle où trônait la source. « Alors, que fais-tu ici? Irgoche est-il parvenu à extraire les informations si rapidement de ses prisonniers ?»« Aux sources, je ne sais pas, aux sources. »« Alors que viens-tu me rapporter ?»« Aux sources, la forteresse s'est effondrée et des mercenaires ont été tués, aux sources. »« Que me chantes-tu là? Je n'ai rien vu de tel. Tu sais que je vois tout. » L'affirmation de la source mit un doute à Nisocreg et il resta interdit. Avait-il mal compris la scène sur laquelle il était tombé ? Ô source, je ne sens rien. Il s'agit de la forteresse du commandant Irgos, toute cassée, explosée, et les mercenaires avec eux, ô source. Que s'est-il passé alors ? Explique-toi. Ô source, je suis revenu à la forteresse pour retourner auprès du commandant Irgos, mais plus rien. Tout cassé, ô source. La source voyait bien que l'Aldorion luttait pour s'exprimer et qu'il aurait du mal à obtenir plus de détails. Nisocreg n'essayait plus de parler. Pour lui, tout était dit, et l'absence de questions de son maître lui confirmait qu'il n'avait rien à ajouter. Il regardait en direction de la source, penchant la tête de droite à gauche, clignant de ses énormes yeux jaunes. Cet amas technologique ne ressemblait à rien de vivant, et Nisocreg prenait le temps pour la première fois de sa vie d'observer ce qu'il avait toujours pu voir de la source avec objectivité. D'habitude, à peine entré, il était saisi d'une certaine frayeur en entendant le son grave de la voix de la source, qui parcourait tout son corps et retentissait dans sa cage thoracique comme les basses d'un caisson de musique. L'Aldorion se demandait quelle place la source occupait dans ce cylindre, si la paroi était fine et que l'intérieur était complètement creux et que tout le reste était rempli par la matière organique que devait être la source, ou bien s'il s'agissait d'un tas de circuits et de branchements et qu'un tout petit cerveau était relié à tout cela, et que ce cerveau constituait à lui seul la source. Il n'obtiendrait certainement jamais de réponse à son interrogation, malgré les siècles qui lui restaient à vivre. Son regard se posa sur les nombreux câbles raccordés au cylindre qui matérialisaient la source. Pas de réel corps. Comment faisait-il pour percevoir le monde extérieur? Pas de bec, pas de nez, pas de pince, pas d'yeux. Et une idée vint tout à coup à Nisocreg. « Ô source, je suis resté dehors. » Peut-être que rien n'est cassé dedans, et c'est pour cela que tu ne vois pas les morts. Aux sources. Mes yeux sont dans toutes les pièces. S'il y a eu des événements à l'extérieur, il y a forcément eu du mouvement à l'intérieur. Aux sources. Peut-être que tu ne regardes pas avec les bons yeux, aux sources. De quoi parles-tu? Aux sources. De tous tes yeux, aux sources. Il ne faut pas se tromper de pièces pour regarder puisqu'elles sont pareilles. Aux sources. Dis-moi, combien y a-t-il de pièces pareilles ? Aux sources, tout en double, aux sources. Après les révélations de début de journée, la source avait bien compté mener l'enquête sur comment Irgosh parvenait à dissimuler ses actions. Mais le petit Aldorian venait sans doute de lui donner l'explication. Via son système de surveillance, la source ne désirait que s'assurer de la bonne exécution de ses ordres. Il avait estimé que c'était un contrôle suffisant. Se rendre sur place, lui, avait toujours semblé superflu. Les révélations de Nisocreg lui faisaient prendre conscience à quel point il avait pu sous-estimer la fourberie de ses commandants, et surtout de certains d'entre eux. Il contacta sur le champ sa garde robotique pour envoyer un escadron sur place qui lui ferait un état des lieux holographique complet. En parlant de pièces dédoublées, la source avait peur de comprendre. Il faisait le lien avec une époque où il avait demandé à ses commandants de revoir le système de surveillance, afin que plus un seul détail ne lui échappât. Lors de sa visite précédente, Nisocreg ayant parlé d'aménagement et d'agrandissement ordonné par Irgosh, il semblait qu'une véritable mascarade avait été montée pour lui masquer la vérité. Ces pièces en double sont-elles des répliques exactes des autres pièces de la forteresse ? Aux sources, oui, aux sources. Quand ces pièces ont-elles été aménagées ? Aux sources, il y a des années, tu as demandé de mettre plus d'yeux dans la forteresse. Le commandant Irgos a fait installer plus d'yeux aux sources. Il a dit que tu ne verrais pas double pour autant. Ça a fait rire les autres. Je ne sais pas pourquoi. Aux sources. Que se passe-t-il dans les nouvelles pièces doubles ? Aux sources. Ce qui se passait dans les originales avant. Aux sources. Alors, à quoi servent les pièces originales aujourd'hui ? Aux sources. À ce que j'ai dit que le commandant Irgos faisait. Qui n'avait jamais demandé que te rapporte, au sport. Voilà donc pourquoi la source continuait à percevoir ce qui se passait là-bas. Des répliques, des pièces avaient été créées pour simuler une activité normale et n'éveiller aucun soupçon. Les manigances d'Irgos étaient clairement étudiées. Les quelques débordements qu'il avait pu constater avaient été sciemment commis pour que la source en fût témoin. Les ambitions d'Irgos en faisaient un réel élément perturbateur qui risquait de gangréner les commandants des autres secteurs. La source avait tout mis en place pour gérer ses troupes entièrement depuis son repère, pour lui éviter tout contact avec ses mercenaires qu'il méprisait tant, mais dont il avait besoin. Cet éloignement, cependant, l'empêchait de réagir vite. Il ne rangeait pas les Aldorians dans la même catégorie que les autres mercenaires. Ils étaient dociles, fidèles à leur maître unique et dénués de réel sens critique. Ton commandant Irgos, où est-il ? Aux sources, je l'ignore, je n'ai vu que des cadavres partout, aux sources. Je ne suis pas allé voir dans la forteresse, mais c'est le même chaos, je crois, aux sources. Pourquoi ne m'as-tu pas informé que ton commandant avait ajouté ces pièces ? Aux sources, j'ai dit qu'il y avait des travaux, aux sources. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il avait touché à mes yeux ? Aux sources. C'était un de tes ordres, aux sources. Tu as grandement manqué de clarté. Je pourrais t'accuser de traîtrise. Aux sources, moi, traître, je suis ton serviteur, toujours fidèle, aux sources. Nisocrec paniqua en entendant la source le qualifier de traître. Qu'avait-il fait pour réveiller le courroux chez son maître vénéré ? Tu es bien sûr d'ignorer où se trouve ton commandant. Aux sources. Je te l'assure, je n'en sais rien, aux sources. Mais je peux me rendre dans la forteresse si tu le désires, aux sources. J'inspecterai les lieux et te ferai mon rapport, aux sources. Mon escadron arrive sur les lieux et va immédiatement s'assurer de la véracité de tes dires. Quant à toi, tu vas rester ici auprès de moi. Aux sources, auprès de toi, aux sources. Inquiété par cet ordre inhabituel, le petit Aldorian resta prostré, ratatiné sur lui-même. Plus que son corps compact ne l'était déjà. Si la source ne le laissait pas repartir, c'était que quelque chose n'allait pas. Il ne l'avait jamais retenu dans son repère. Nisocrec torturait ses pauvres méninges pour trouver ce qu'il avait fait qui ne convenait pas à son maître vénéré. Les Aldorians possédaient une intelligence trop primitive pour comprendre le mensonge et la tromperie. À partir du moment où il leur était dit qu'une chose était véridique, ils la croyaient. Lorsqu'Irgos lui avait dit que le dédoublement des pièces faisait partie des ordres de réaménagement, l'Aldorian l'avait cru, et même là encore, en étant questionné de la sorte par la source, il ne comprenait pas qu'il avait été dupé. À une centaine de kilomètres, l'escadron robotique, dépêché en urgence, se déploya sur tout le champ de bataille et à l'intérieur de la forteresse. Il fit état des salves tirées de l'extérieur, des traces au sol attestant qu'un énorme vaisseau s'était posé, et était le principal responsable du chaos. Par contre, il établit que la façade de la forteresse avait été défoncée à l'aide de leurs propres pistolets laser, que les mercenaires à l'intérieur n'avaient pas été massacrés par les mêmes armes que ceux gisant dehors, comme si deux batailles distinctes s'étaient déroulées. Après l'inspection complète de la cour, l'escadron étudia rapidement les hangars où il y avait visiblement eu peu d'échanges de tirs, puis il entra dans la forteresse enquêter sur chaque niveau. L'avantage des robots était leur absence totale de dégoût. Ils étaient factuels, marchaient dans tous ces liquides organiques où la vue de ces corps brûlés ne les répugnait pas. Le rapport était rédigé méthodiquement, avec des illustrations pour chaque scène de massacre. Quand une plaque ou un bracelet d'identification était trouvé, il était scanné pour compléter la liste des pertes. Cette hécatombe allait obliger la source à chercher des remplaçants. Il avait horreur des recrutements. La découverte de la cellule à la serrure fondue amena la présomption que les prisonniers évadés devaient être les responsables du carnage intérieur. La source était assurée de la fidélité et de la soumission de sa garde robotique. Son rapport ne pouvait être que véridique. Les robots transmettaient en temps réel les images prises sur place pour que la source pût constater de lui-même l'état des lieux. La conclusion était sans appel. Une véritable bataille s'était déroulée là-dedans. Et les mercenaires avaient été vaincus à plate couture. Un vaisseau s'était posé. Les analyses révélèrent plus tard qu'il provenait du Pléas. Enfin, le corps du commandant Irgosh fut retrouvé dans la salle de torture. Il était facilement identifiable, presque intact. Seulement avec des blessures dans le dos et à la gorge. La source trouva une grande consolation quand cette information lui fut remontée. Irgosh était liquidé. La table et les écrans holographiques ressurgirent du sol, diffusant les têtes des associés ou de leurs bras droits. Talk, parle. Je suis sûr que tu es au courant des projets de nouvel élevage d'un de mes commandants, Irgosh. Allons, source. Pourquoi m'accuser, moi, si directement? En voilà une idée. Une intuition, Théodore. Théodore n'est pas le seul source. Ce projet d'élevage était convenu dès le départ. Les races à viande et à esclaves ont été développées, mais nous attendons toujours que tu nous livres celles de compagnie. Tu as réussi à repousser cela dans les premiers temps, jusqu'à ce que les associés qui ont succédé au fondateur oublient le projet. Seulement, nous avons revu les accords. Dis plutôt qu'Irgosh vous a contacté, pour vous le rappeler. Autant être honnête, Charlotte. Si tu veux. Nous lui avons ensuite demandé d'étudier la question et apparemment la race est prête. Mais tu as bien omis de nous prévenir. C'est ma race, ma sélection. Elle sera prête quand je le déciderai. Avoue plutôt que tu n'es pas disposé à nous laisser exploiter ce produit alors qu'il est mûr pour le marché. J'ignore pourquoi tu es plus sensible envers cette race et peu nous importe. Cela se fera avec ou sans toi. C'est par Irgosh que vous comptez me remplacer ? Son sens des affaires est plus développé que le tien, ce qui n'est pas compliqué, j'en conviens. Nous pensons aussi que le rendement des deux autres secteurs de production peut être aisément doublé, mais tu n'as jamais aidé à optimiser le système. Avec ou sans toi, source. Ça se fera. Avec ou sans toi. Vous ne comprenez pas. Ce que j'essaie de faire, c'est de l'art. Pour réaliser ton œuvre, tu as demandé notre aide. Sans nous, jamais Nikiras aurait été tienne. Tu peux garder quelques spécimens pour tes sélections. Mais donne-nous la troisième race. Et si je refuse, Kendrick ? Nous te remercions. Irgosh répond à nos attentes. Alors vous êtes mal informé. Irgosh est mort. Cette simple affirmation généra un long silence dans l'assemblée. La source comprit que les associés étaient tous en train de converser entre eux via leur implant et qu'ils n'étaient pas conviés, bien évidemment. Comment est-ce arrivé? Les prisonniers dont je vous ai parlé ce matin se sont évadés et se sont défendus. C'est la conclusion de mon escadron robotique dépêché sur les lieux. Peu importe. Une nouvelle planète hors du comète a été découverte dans le bras du cygne. Le climat semble favorable. Nous réglons les derniers détails juridiques pour l'acquisition d'un continent et déménagerons les structures là-bas. Après cela, tu seras remercié. Tu pourras vivre pleinement ta vie d'artiste. Irgosh n'était pas irremplaçable. Les ambitieux compétents ne manquent pas. Aucun des associés ne le craignait. Ils se permettaient de le congédier alors qu'il était l'initiateur de leur business lucratif. Des siècles que la source vivait ici, des siècles qu'il était un dieu générateur de perfection. La gamelle de friandise fut placée sur les dalles, mais Inocreg n'y prêta pas attention. Il restait planté au même endroit sans réaction. La source pensa que l'Aldorion n'avait rien dû comprendre de la réunion.